He's working hard each and every round, throwing, moving, beating his opponent to the punch. He's really taking the fight to his opponent and making a favorable impression on the fans here in the building, and I'm sure all the judges ringside as well. Here we go with round number one. Biatch. Détends-toi, j'espère t'es bien installé. Prends un grand respire, tu pensais que j'allais me caler. On lâche une bombe cette année, tu risques pas de tanner. Si on se force, ceux qui nous attendent depuis une couple d'années. Je veux sentir les blancs cramés, quoi fêter. Je vois les miroirs de ton char shaker. Monte son bureau, les fenêtres baissées. ADN, burn, drop toujours avec autant de fierté. Tu le sais. Mets le beat à fond dans tes caisses de son. Plus de volume, plus de bass. Plus ça bûche, plus c'est bon. Un sub du pouce minimum pour que t'entendes belle bass drum. Comment qui sonne? Advienne l'album, ça t'étonne pour les pop on sonne. Monte le beat encore, comme un encore plus fort. Je fais réveiller les morts. Six pieds sur terre, je vois des têtes qui bangent. On a comme but de faire shaker des tombes. Check la bombe. Faut que ça ressorte autant que quand le soleil plonge. Je sais que t'aimes ça, dis-moi le si je me trompe. Premier lancement d'album, chaque coup qu'on lance, on compte. On fonce, fais pas seulement acte de présence. Loin de faire du rap de plaisance, écoute ça qui est sans. On lâche une bombe cette année. ADN l'album, ça t'étonne pour les pop. His style is entirely his own. On lâche une bombe cette année. Tu le sais, tu le sais. You can see he really believes in his power. On boxe pour les pop, on boxe. Faut que ça rentre au poste. C'est pour la victoire et non pour remplir nos poches. Gauche, droite, en riposte. Pour défendre notre cause, tout le monde à son poste. He's demonstrating well-rounded skills. On boxe pour les pop, on boxe. Faut que ça rentre au poste. C'est pour la victoire et non pour remplir nos poches. Gauche, droite, en riposte. Pour défendre notre cause, tout le monde à son poste. That big shot has found its mark. Écoute ma musique, c'est mon code génétique. J'prends des risques, fais chier, cyclone mon disque. Fuck you, some disque. C'est bon riff, j'ai pris le temps de fixer l'objectif. Même quand tout va mal, j'essaie de rester positif. Toujours rester constructif, mon rap m'a plus créatif. Maintenant j'suis en ancré, j'détonne comme un explosif. J't'étonne sans trop faire de la disque, beat nocif, même c'est explosif. Ceux qui trippent pop depuis le début des années 90. Moi tu fais un artiste, ADN v'là la preuve redoutable gravé sur mon disque. Au genre de track qu'on skip, on fait partie de l'élite. Le crowd c'est 7ème joueur, hurry up. Here we go with tonight's final round. Fight fans are loving it. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans, ça fait longtemps. J'attends le moment de pouvoir galer au mic. Le hip-hop pour moi c'est important. Comme sur le ring, il faut que tu donnes à 100%. Sinon c'est pas long qu'on te prenne dedans. Dans ces moments, je fonce tête devant. Je regarde jamais en arrière, toujours en avant. Je regrette rien jusqu'à présent, pis je pense que ça c'est important. On boxe pour notre cause. Hip-hop à pleine dose, je m'impose. Faut que je me batte, faut que ça l'explose. On boxe pour hip-hop, on boxe. Faut que ça rentre au poste. C'est pour la victoire et non pour remplir nos poches. Gauche, droite, en riposte. Pour défendre notre cause, tout le monde a son poste. He's demonstrating well-rounded. On boxe pour les pop, on boxe. Faut que ça rentre au poste. C'est pour la victoire et non pour remplir nos poches. Gauche, droite, en riposte. Pour défendre notre cause, tout le monde a son poste. That big shot has found its mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's over.